Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Nuisance qui en veut à la musique ce soir. Et donc on va s'en prendre à la musique. Avec Beyoncé, Allô. Chose de vrai, quoi. Maintenant, nous allons écouter un extrait de Gainsbourg, Vie héroïque du film. Une prise son qu'on n'a pas modifiée, donc vous entendrez nos voix derrière. Voilà, bonne écoute. Je l'ai fait, je l'ai mis sur une petite trou d'oreille. J'ai trouvé une oreille, ouais, c'était bah, c'est ça. Un extrait d'une session autour d'un piano. oui, attends. Maintenant, nous allons écouter un extrait de Jan Tiersen, Les comptines de notre été. Thank you. Maintenant, nous allons écouter Apologize de One Republic. Maintenant, nous allons écouter un petit Justin Timberlake, What Goes Around. C'était donc Justin Timberlake avec le morceau What Goes Around. Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM et vous écoutez Nuisance, on dirait pas, mais oui, c'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et ce soir, on a décidé de se consacrer à la musique, la vraie, la grande, la belle musique. Donc la musique de gens, quoi. Des êtres humains, quoi, comme nous, quoi, qui font de la musique et tout et tout. Et moi, ben, j'en fais pas, mais c'est pas grave, parce que je peux quand même faire ce que je veux, donc c'est génial. Voilà, je vous balance des trucs dans les oreilles, on entend rien, parce qu'il faut avoir des bonnes enceintes et tout ça. Et finalement, on s'en fout. Ensuite, nous allons écouter Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leidenstadt. Et maintenant, place à U2 pour One. Thank you. Maintenant, nous allons écouter Elton John. Sur Canal Sud. Thank you. Voilà, donc on est sur le point d'envoyer le dernier extrait d'une session qui a été effectuée par les soins de l'équipe sur un piano, donc qui a été accordé par les soins de l'équipe également. Donc une grande équipe, toute une équipe. On vous a amené ça du fin fond galactique pour vous, quoi. Et donc on arrive à son terme, et donc le dernier morceau va vous être annoncé par l'équipe également. Voilà, et donc pour ce dernier morceau, c'est un extrait de la musique du film Intouchable. Voilà. Welcome to Nuisances. Nuisances is your show. A show that's full of shit.

pardon, excusez-moi, j'avais oublié de couper le micro. Oh, quel imbécile je fais. Il faut vraiment que je me réhabilite. C'est vraiment le moment juste pour dire beat. Oui, le mot beat, c'est vraiment le bon moment pour dire beat, justement. Alors, puisque j'y pensais, ma beat, de toute manière, je pense qu'à ça, je suis qu'un mec. De merde. Voilà, ça c'est le son qui évoque la beat. C'est un son bien chiant qui vous prend la tête quoi. Voilà, c'est ça, ça c'est la beat. Et ça c'est le caca. Donc ce soir on va mettre un mélange de caca et de beat ensemble. Vous voyez, on mélange tout ça et on a nuisance l'émission. De toutes les nuisances, émission qui nuit au sens. Mais l'émission de toutes les nuisances ne serait pas une émission de toutes les nuisances si elle n'était pas nuisante. Donc elle est pénible, faut espérer en tout cas, c'est bien chiant pour vous à écouter. Donc n'écoutez pas, surtout ignorez tout. Pardon, excusez-moi, j'ai encore oublié de couper le micro, je suis vraiment désolé, excusez-moi, je suis vraiment profondément dément, tellement désolé. There's gonna be blood. On n'a pas encore eu de l'arsène de merde, alors je me suis dit tiens. Oh mince, alors j'ai pas fait exprès. Thank you. the speech. Yeah, baby, talk to us. Say fuck again. Say shit, say blood. Say fuck again and shit and blood again. Yeah. Shit, fuck, blood, yeah. Shit, fuck, blood, yeah. Baby, I love you so much. Oh, please fuck me in the ass. I love you so much. Fuck me in the ass. I love you so much. Oh, oogie doogie boogie. Choogie boogie woogie. Oh, yeah. Dans ses manches, des fragments de temps. Mais nous cherchons toujours le bonheur. Cette recherche du détail est le travail important. Nous encodons tous les objets. Canal Sud. Attention et communication. Pas de fumée, pas d'odeur, c'est-à-dire que... 92.2. Canal Sud. 05 61 53 36 95. Oui, lorsque c'est passé à l'image, pourquoi ? Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Un téléphone, le 05 61 53 36 95, je répète, le 05 61 53 36 95. Il est à peu près 21h. Au 40 rue Alfred Duméril, il est à peu près 23h-10. Nous sommes le 3 octobre 2012. hein, c'est bientôt fini, donc soyez heureux, réjouissez-vous-en, et tout. Ouais. Ouais. Comme d'habitude sur Canal Sud, bienvenue parmi nous, on ne comprend rien, on n'a rien à foutre, on vous encule tous, on s'encule nous-mêmes, je veux dire auto-encule, ouais, c'est cool la vie man, ouais vas-y, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super, allez vas-y, fonce, ouais, c'est génial, nuisance, on vous encule, on s'encule, c'est d'auto-encule, c'est génial, c'est trop bon, c'est trop fort, ah bravo, ça c'est quelque chose. L'opus 48-24B 272 ABW 45 ZXY 2, l'ère classico-baroque néandertalienne Homo faber erectus dans le fût. Oh pardon, je recommence. Merci d'avoir écouté l'opus 24 B 92 BW Q barbecue sauce blanche, mayonnaise, confiture ketchup avec du beurre, beaucoup de beurre salé, le beurre comme le beurre demi-sel de Bretagne, le sel de Guérande, c'est bon, la Normandie on encule, les Normands c'est bon, la Bretagne, les Bretons on les encule, sur ces entrefaits, vive la Corse et le Pays Basque à mort. C'était peut-être le contraire en fait, excusez-moi, non, alors c'était à mort les Corses et vive le Pays Basque, je me suis impliqué. Mes frères et sœurs, écoute.